Chapitre 36. Le tiroir. Ophélie fendit la foule à contre-courant. Elle avait quitté la première, le secrétarium. Être vue en public avec Thorne aurait attiré l'attention et il y avait encore trop de monde au mémorial. Les visiteurs venus pour la cérémonie suivaient les généalogistes à travers les collections. Leur silence était si respectueux qu'en dépit de leur nombre et de l'immensité des lieux, il était possible d'entendre la voix sensuelle du couple depuis l'autre bout de l'atrium. Ils posaient chacun à leur tour des questions extrêmement techniques aux mémorialistes sur le fonctionnement du nouveau catalogue. La fête d'inauguration prenait la tournure d'une véritable inspection. Ophélie crut apercevoir auprès d'eux le grand haut de forme blanc de Lazarus. Elle espérait qu'il resterait là encore une heure ou deux, le temps que Thorne et elle fissent ce qu'ils avaient à faire. Elle se dirigea vers la sortie en évitant consciencieusement de croiser Blasius, Elisabeth ou Zen, qui auraient pu se sentir obligés de lui adresser quelques paroles réconfortantes pour la perte de ses ailes. Elle essaierait de leur dire convenablement au revoir lorsque cette histoire de livre serait enfin finie. Avant de franchir les portes de l'édifice, elle eut un dernier regard pour les silhouettes dorées qui montaient à présent le transcendium méridional, main dans la main, tels deux astres solaires. Thorne n'avait peut-être pas eu d'autre choix que de s'allier à eux, mais plus Ophélie les observait, plus elle avait la conviction qu'ils étaient dangereux. Leur remettre le livre résoudrait un problème pour en créer un nouveau dans l'avenir. « Tant pis, » songea-t-elle en quittant le mémorial, « nous aviserons le moment venu. »« Nous. » Ce seul mot lui arracha un frémissement inédit au creux du dos. Elle s'assit sur une marche du perron pour attendre Thorne. Elle pouvait encore sentir sur son menton la démangeaison obsédante laissée par sa barbe. Elle leva le nez en aspirant profondément l'air tiède du soir. Les rayons du couchant étincelaient sur le feuillage des mimosas et la constellation des aéronefs. Le ciel orageux avait la consistance fluctuante d'une mixture où se mélangeaient, sans parvenir à fusionner, des couleurs contradictoires. Ophélie était sur le point de se remettre en danger et malgré tout, à 7 secondes précises, elle se sentait incroyablement bien. « Est-ce que nous nous connaissons ?» Elle tourna la tête. Assis sur la même marche qu'elle, à l'autre extrémité de l'escalier, un homme gigantesque la dévisageait avec un sourire troublé. C'était Pollux. Ophélie l'avait confondu avec l'une des statues en bronze. Le crépuscule faisait ressortir la nuit de sa peau et le feu de son regard. Ses mains immenses feuilletaient distraitement les pages charnelles de son propre livre, comme un quidam aurait parcouru sans conviction un roman trop alambiqué. Il ressemblait davantage à un enfant abandonné qu'à un véritable patriarche. Cette scène avait quelque chose de surnaturel, alors que des centaines de ses descendants se tenaient de l'autre côté des portes. « Vous me rappelez quelqu'un ?» insista Pollux. « En général, personne ne me rappelle jamais personne. J'ai toutes les difficultés à me souvenir du nom de ma propre jumelle. Mais vous, » dit-il avec une note mélancolique dans sa voix de violoncelle, « plus je vous observe, plus vous m'êtes familière. Est-ce que nous nous connaissons ?»« Pas personnellement, » répondit Ophélie. « Je suis une descendante d'Artémis. »« Artémis, » murmura Pollux. « Je crois en effet me souvenir d'une autre de mes sœurs qui porte ce nom-là. Est-ce à elle que vous me faites penser ?» « Je ne sais même plus pourquoi ou juste j'ai sorti ceci, » dit-il en tournant négligemment une page de son livre. « Je suis si tête en l'air. » Quand Ophélie vint à lui, Pollux contempla la minuscule main gantée qu'elle lui tendait. Son sourire se fit hésitant, presque inquiet, mais il finit par lui remettre docilement son livre. Cet ouvrage, qui semblait si léger entre les doigts de l'esprit de famille, obligea Ophélie à le tenir de toute la force de ses deux bras. Elle parcourut des yeux l'écriture tatouée sur la peau des feuilles, ce code dont personne au monde, hormis Dieu, ne détenait la clé. « Là !» dit-elle en signalant le liseré à peine visible d'une page déchirée. « C'était votre mémoire. C'est elle que vous cherchez. Vous ne la trouvez pas parce que, Quelqu'un vous l'a arraché il y a longtemps. Je suis désolée. » Ophélie rendit son livre à Pollux, dont les grands yeux clignaient d'hébétude. « Est-ce que nous nous connaissons ? » redemanda-t-il. Elle ne lui répondit pas, mais son expression hagarde la remua. D'ici peu, il aurait oublié cette conversation. Peut-être était-ce mieux ainsi. Peut-être était-ce mieux de maintenir les esprits de famille dans l'ignorance de ce qu'ils étaient réellement. Ophélie fut soulagée de voir Thorne sortir enfin du mémorial. Il avait boutonné sur sa chemise le prestigieux uniforme de luxe et, à en juger par la canne dont il se servait pour appuyer sa marche, il n'avait pas pu peaufiner les réparations de son armature. Elle le suivit à distance respectable quand il se rendit sur le quai de l'Arche. Ils patientèrent chacun dans leur coin en regardant dans des directions opposées et, une fois à bord du tramoiseau, ils se choisirent l'un et l'autre une banquette différente. Ces précautions étaient peut-être excessives étant donné le peu de passagers qui voyageaient à cette heure-ci, mais Sir Henry et Eulalie n'étaient publiquement que de simples connaissances. Ophélie remarqua avec une contraction de gorge la façon dont Thorne se positionnait pour n'avoir personne autour de lui. Il n'y eut pas un frôlement de regard entre eux durant tout le trajet et pourtant jamais elle ne s'était sentie aussi proche de lui. Il se tenait, comme à son habitude, raide et impassible, mais Ophélie devinait sa nervosité chaque fois que son index tapotait le pommeau chromé de sa canne. Elle aurait voulu s'asseoir à côté de lui, le rassurer, lui dire qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait, même si ce n'était pas tout à fait vrai. Elle connaissait peut-être l'emplacement du livre, elle ignorait toujours ce qu'il contenait. Alors que le tramoiseau manœuvrait pour atterrir sur les rails du terminus, secoué par une bourrasque et cliquetant de tous ses wagons, Ophélie la ressentit à nouveau, l'impression tenace d'être épiée. C'était même beaucoup plus fort qu'une impression. Ses oreilles se mirent à battre à grands coups sonores. Une coulée glaciale lui dévala le dos. Elle se tourna sur sa banquette pour passer en revue les derniers passagers. Quand elle était au pôle, Ophélie avait déjà été prise en filature par un invisible. Cette sensation-là n'avait rien de comparable. Il lui semblait que c'était la terreur elle-même qui, à force de la talonner, s'était fondue dans son ombre. L'assassin qui avait épouvanté Miss Silence, le professeur Wolfe, Mediana et le sans-peur étaient-ils là, avec eux, dans l'un des wagons? Ophélie avait la certitude de le connaître personnellement, sans être capable de mettre le doigt sur son identité. Elle ne fut pas fâchée de débarquer. Elle suivit le claquement métallique de la canne de Thorne sur le quai, évitant comme lui le halo des lampadaires. La nuit était tout à fait tombée. Ils n'étaient plus l'un et l'autre que des silhouettes noires sur fond d'encre. Les ténèbres donnaient du relief au parfum résineux et au bruissement des aiguilles des pins parasols autour d'eux. « À partir d'ici, nous marcherons », annonça Thorne à voix basse. « Nous devons éviter les patrouilles de contrôle. » Vous n'êtes plus supposé porter l'uniforme des virtuoses, et ces gens ne badinent pas avec le code vestimentaire. » Ophélie acquiesça. Elle avait récupéré ses faux papiers avant de quitter la bonne famille, mais elle y avait laissé sa toge civile. « Je ne suis allée qu'une seule fois chez Lazarus. Je ne suis pas certaine de me souvenir du chemin. »« Moi, si, » dit Thorne. « J'ai mémorisé les plans de toute la cité dès mon arrivée à Babel. Cette adresse n'est pas la porte à côté, ne perdons pas une seconde. » Ils traversèrent une succession de chantiers mal éclairés, sans croiser autre chose que des opossums. La cité était aussi déserte le soir qu'elle était animée le jour. Les Babéliens possédaient tous une vertu d'enfant sage. Ophélie se retourna plusieurs fois pour vérifier qu'il n'était pas suivi, mais l'anxiété qu'il avait saisie à bord du tramoiseau avait disparu. « Êtes-vous contrarié ? » demanda-t-elle. Elle ne voyait pas bien Thorne dans la pénombre du quartier qu'ils étaient maintenant en train de remonter, mais il y avait quelque chose dans son silence dur et ses coups de canne implacables qui étaient un peu plus que de l'impatience. Ophélie avait beau posséder des jambes valides, elle éprouvait des difficultés à soutenir la cadence qu'il leur imposait. Il lui paraissait à peine croyable que cet homme, qu'elle perdait de vue à chaque coin de rue, l'eût embrassée 2 heures plus tôt. « Je réfléchis, » marmonna Thorne sans ralentir l'allure. « Vous avez cherché tout ce temps un livre que j'ai chapardé. Vous avez le droit d'être exaspéré. » 2 étincelles dans la nuit indiquèrent à Ophélie que Thorne venait de faire pivoter son regard vers elle. « Si vous ne l'aviez pas fait sortir du mémorial, Mes silences l'auraient détruit, et avec lui, mon unique chance de survie. Ce qui me chiffonne dans votre histoire est de nature strictement mathématique. Mathématique ? Il m'a fallu plus de 2 ans pour mettre en place des groupes de lecture qualifiés afin de passer au crible toutes les collections. Le premier ouvrage que vous prenez par inadvertance est le bon. Votre propension à malmener les statistiques est effrayante. Ophélie fronça les sourcils. Elle se remémora ce fameux jour où elle avait découvert le mémorial avec Ambroise. Elle se revit en train de renverser puis ramasser les livres de Idi du chariot de Blasius. Il lui semblait qu'elle pouvait presque, presque, se rappeler cet instant fugace où elle avait glissé l'air des miracles à l'intérieur de son sac de voyage. Était-ce pour cette raison que Miss Silence avait tant insisté pour le fouiller? Ses oreilles avaient-elles reconnu le son caractéristique du livre à l'intérieur? Ce n'était pas vraiment de l'inadvertance. Elle s'agenouilla sur le trottoir pour renouer un lacet qui ne cessait de la faire trébucher. Je veux dire, une part de moi n'a pas choisi ce livre par hasard. Une part de moi l'a reconnu. Une part de moi a voulu se l'approprier. Votre autre mémoire. Comment t'attorne ? J'essaie vraiment de comprendre d'où elle me vient et ce qu'elle veut me dire. J'aurais aimé qu'elle prenne au moins la peine de m'expliquer ce que ce livre pour enfants connaît de Dieu. Mais ça, conclut-elle en doublant le nœud de son lacet, nous allons le découvrir très bientôt par nous-mêmes. L'acuité perçante avec laquelle Thorne la dévisagea lui fit perdre contenance. Au-dessus d'eux, des lampions ballottés par le vent diffusaient une lumière frissonnante. « Quand cette affaire sera réglée, il faudra que nous parlions, vous et moi. » « Que nous parlions de quoi ?»« Quand cette affaire sera réglée. » répéta simplement Thorne. Il désigna de l'embout ferré de sa canne les colonnes d'un portique de l'autre côté de la place où il venait de déboucher. Ophélie reconnut les bassins de nénuphar qui reflétaient les étoiles autour d'un domaine. Ils étaient arrivés. « J'espère qu'Ambroise sera chez son père, » chuchota-t-elle tandis qu'il longeait les colonnes. « C'est à lui que j'avais confié mon sac. Il me le rendra sans faire d'histoire si je le lui demande. » Elle s'abstint de mentionner le brusque changement d'attitude de l'adolescent après son admission à la bonne famille. Il n'avait même pas daigné se retourner la dernière fois qu'elle l'avait vu sur le quai du tramoiseau, ignorant délibérément ses appels. Quand Thorne martela l'une des portes d'entrée du pommeau de sa canne, un automate vint ouvrir. « Ambroise est-il là ?» demanda Ophélie. « À cœur vaillant, rien d'impossible. » Thorne entra d'un pas pressé. « Nous nous débrouillerons. » Ophélie promena les yeux sur l'atrium où les appareils modernes se fondaient dans l'architecture antique. Les lampes attiraient des essaims de papillons de nuit. Il n'y avait là que des statues et le portrait de Lazarus pétillant de malice sous ses besicles roses. « Ambroise ?» Ophélie traversa la vaste enfilade de salles dont le marbre propagea en écho chacun de ses pas. Revenir après tous ces mois dans la première maison à l'avoir accueillie sur Babel lui procurait un sentiment indéfinissable. Thorne l'accompagnait d'une démarche raide, s'arc-boutant de plus en plus sur sa canne. « Je les trouve perturbants » grommela-t-il. Tous les automates de la demeure s'étaient rassemblés pour les suivre à distance. Il semblait indécis sur la conduite à observer envers ses visiteurs qui s'invitaient ainsi chez leur maître. Leur comportement n'avait rien d'hostile, mais il n'était pas très confortable de sentir derrière soi une telle réunion de mannequins sans visage. « Ambroise !» appela encore Ophélie en entrant dans une autre salle. Thorne lui fit signe de prêter l'oreille. Un bruit émanait du fond de la demeure. Ça ne ressemblait pas vraiment au fauteuil roulant d'Ambroise. Ophélie aurait plutôt cru aux trépidations d'un lave-linge. Plus il s'avançait dans la demeure, suivi par le cortège silencieux des automates, plus le bruit gagnait en force. Ophélie reconnut le sol en damier et les belles armoires basses de la garde-robe d'Ambroise. C'était ici même qu'il lui avait fait cadeau d'une toge de sans-pouvoir. À sa vive surprise, le bruit était dû non pas à un lave-linge mécanique, mais à un tiroir. Il était agité de violentes secousses, comme s'il cherchait à s'échapper de sa commode. « C'est peut-être mon sac ?» murmura Ophélie d'un ton hésitant. Je ne l'ai pas eu longtemps en ma possession, mais je peux l'avoir animé sans m'en apercevoir. Une seule façon de s'en assurer. Thorne sortit un mouchoir pour saisir le bouton du tiroir. À croire que les microbes étaient une forme de vie plus redoutable que tout ce que ce meuble pouvait potentiellement contenir. Ophélie sursauta lorsqu'une forme bondit hors du tiroir et s'enroula autour du bras de Thorne. Sa première pensée, complètement affolée, fut qu'il s'agissait d'un énorme serpent. Sa seconde pensée, parfaitement incrédule, fut que le serpent était en laine. Thorne n'eut pas un mouvement de recul. La main encore agrippée au bouton du tiroir, il étudia d'un regard circonspect la créature qui étranglait son bras dans ses anneaux tricolores. « Ce n'est assurément pas votre sac, c'est votre écharpe. »« Je l'avais perdue. » Les mots étaient tombés des lèvres d'Ophélie comme des pierres. Elle contempla l'écharpe qui s'était accrochée à Thorne. C'était bien celle qu'elle avait tricotée maille après maille, celle qu'elle avait animée jour après jour. Et pourtant, elle ne parvenait pas à admettre la tangibilité de sa présence ici, juste devant elle. « Je l'avais perdue, » dit-elle encore. Elle tendit prudemment la main. L'écharpe se débobina aussitôt du bras de Thorne pour sinuer autour du sien et s'enrouler à son cou avec une possessivité boudeuse. Ce ne fut qu'en sentant ce poids familier qu'Ophélie prit conscience que non, l'écharpe ne vagabondait pas dans les caniveaux de la ville et que, oui, elle s'était enfin retrouvée. La culpabilité qui lui brûlait le ventre depuis des mois remonta dans sa bouche sous forme d'un goût de sel. Elle enfouit son nez dans le tricot. « Je l'avais perdue, » répéta-t-elle d'une voix étouffée. Sa joie se troubla aussitôt. Comment Ambroise était-il entré en possession de son écharpe et pourquoi l'avait-il cachée dans sa garde-robe? N'aurait-il pas pu la lui restituer, lui envoyer un télégramme au moins pour la rassurer? Plus Ophélie essayait de le comprendre, moins elle y parvenait. Cette confiance qu'elle lui avait si vite accordée, la peine qu'elle avait éprouvée lorsqu'il s'était mis à l'éviter, tout cela commençait à s'effriter à l'intérieur de sa poitrine. Thorne l'observa avec sévérité, puis il finit par dire tout haut ce qu'elle ne voulait pas formuler. « Cet Ambroise, êtes-vous certaine qu'il s'agit bien d'un ami ?»« Vous devriez partir. » Thorne et Ophélie se retournèrent. Une chaise roulante entourée par un bataillon d'automates se découpait dans l'encadrement de la porte. Ambroise s'approcha avec un ronronnement mécanique. Le jeu d'ombre et de lumière qui régnait dans la garde-robe accentua l'étrangeté de son corps à la symétrie inversée, la blancheur éclatante de ses habits et l'obscurité veloutée de son visage. Ses mains à l'envers serraient convulsivement les accoudoirs du fauteuil. « Partez !» Ophélie déglutit avec difficulté. Ce n'était pas un ordre. C'était une supplication qu'Ambroise lui adressait à elle et à elle uniquement. Sa voix s'était faite si implorante qu'elle ne sut plus du tout ce qu'elle était supposée ressentir. Elle tira sur l'écharpe pour dégager sa bouche. « Je suis venue chercher mon sac. Mais que vous est-il arrivé? Je ne vous reconnais plus. » Ambroise écarquilla ses yeux d'antilope. Le jour où ils s'étaient rencontrés, il n'avait cessé de manifester envers Ophélie une curiosité bienveillante. À présent, il la considérait comme si elle était la chose la plus improbable qu'il avait jamais vue. « Il m'arrive que vous n'êtes pas celle que vous prétendez. » Le cœur d'Ophélie manqua un battement. Comment avait-il percé à jour son imposture? Était-ce l'écharpe qui, d'une façon ou d'une autre, l'avait trahi? La gêne devait se lire sur son visage car Ambroise parut en proie à une profonde déception. « Alors je ne m'étais pas trompée. Dès le premier instant, j'ai perçu chez vous. Mais je ne pensais quand même pas... » Il se tut, inspira lentement, puis réitéra avec une infinie douceur. « Vous devez partir, miss, please. » « Sinon, quoi ?» Thorne avait articulé cette question sans se départir de son calme, mais son regard était aussi polaire que son accent. Ophélie se crispa. S'il ne s'exprimait plus en tant que Sir Henry, c'était qu'une ligne venait d'être franchie. Il flottait dans la garde-robe une méfiance généralisée qui rendait la chaleur des lieux plus suffocante encore. « Sinon, ça se terminera très mal. répondit Ambroise. Ses traits délicats se contractèrent douloureusement tandis qu'il suppliait Ophélie des yeux. « De toute façon, » ajouta-t-il dans un murmure tendu, « ça ne pourra que très mal se terminer. Après tout, miss, vous êtes celle qui provoquera l'effondrement des arches. » Les lunettes d'Ophélie verdirent sur son nez. La dernière personne à lui avoir adressé ces paroles, c'était... Thorn fit entendre un reniflement excédé. « Je vais nous faire économiser du temps. Vous êtes au service de Dieu, n'est-ce pas ?» À peine eut-il prononcé cette dernière phrase que tous les automates, qui s'étaient jusque-là tenus les bras ballants derrière la chaise roulante, se mirent en marche. Dans une lente procession, ils investirent la garde-robe en contournant Thorn, Ambroise et Ophélie, puis ils se tinrent par les mains comme l'auraient fait des enfants, de grands enfants sans bouche, sans nez et sans yeux, pour former une ronde autour d'eux. Dès l'instant où le cercle fut refermé, il y eut un jaillissement d'acier qui arracha un frisson d'écharpe à Ophélie. Des dizaines, des centaines de lames acérées venaient de transpercer les habits des mannequins. Le peu d'humanité qu'ils possédaient avait disparu. Il n'était plus désormais qu'une barrière infranchissable d'épines. Un piège. Ambroise s'accouda gauchement à son fauteuil. « C'est vraiment regrettable, » soupira-t-il. « Vous n'auriez pas dû dire ça. »« Rappelez-les !» ordonna Thorn. Ophélie lui décocha un coup d'œil inquiet. Il n'avait ni haussé la voix, ni esquissé un geste, mais ses doigts se recroquevillaient autour du pommeau de sa canne à s'en faire blêmir les jointures. Ses griffes se sentaient menacées et il prenait sur lui pour les contenir. La garde-robe n'était pas suffisamment spacieuse pour lui permettre de s'éloigner d'Ophélie et d'Ambroise sans s'embrocher sur les lames des automates. « Ambroise, s'il vous plaît !» intervint Ophélie. « Je sais que vous ne voulez pas nous faire de mal. Rappelez vos domestiques et rendez-moi mon sac. » L'adolescent secoua la tête avec une expression malheureuse. « Je ne peux pas, miss. » Ophélie sentit son épiderme se hérisser, comme si la foudre s'apprêtait à s'abattre. Thorn semblait contracter chaque muscle de son corps pour empêcher le pouvoir des dragons de déborder. Ses griffes ne feraient rien aux automates, mais elles pouvaient la découper ainsi qu'Ambroise, comme du papier. « Rappelez-les !» insista Ophélie en s'enfonçant de tout son regard dans le visage désespéré d'Ambroise. « Il ne peut pas !» La voix qui venait de chantonner ces quatre mots se propagea à travers les colonnades de la demeure. Elle était légère comme un batifolage de papillons, la voix de Lazarus. « Moi, oui. Rompez, boys !» À l'instant où ce commandement fut prononcé, les automates ravalèrent leurs lames dans un froissement métallique, brisèrent le cercle et se retirèrent d'un pas placide. Lazarus se tenait sur le seuil. Il ôta son immense haut de forme et provoqua un déluge argenté de cheveux lorsqu'il s'inclina. Lazarus se dressait sur le seuil. Il ôta son immense haut de forme et provoqua un déluge argenté de cheveux lorsqu'il s'inclina. « Mr. and Mrs. Thorn, je suis enchanté de vous accueillir chez moi. Si vous m'aviez attendu au Memorial, je vous aurais volontiers proposé de vous prendre à bord de mon aéronef. « Veuillez me suivre au salon, » suggéra-t-il en recoiffant son chapeau avec une gestuelle théâtrale. « Nous allons avoir une causerie des plus intéressantes. »